Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com or on Facebook Messenger if you have it. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Comment ça va, Romain? Eh bien, ça va bien. Et un petit peu froid, mais ça va. Yeah, I got a little bit chillier, yeah. But it's not going to last. And you have kind of a cold, too. I do. That makes things worse. But, you know, I guess there's always some people who have cold, like, in the summer, and I think that's much worse. So I'm not complaining too much about it. Good. But I'm not going to stay the 2 hours, though, because I'm pretty tired, and I think I'm going to... So I'm going to be on my own for, like, 90 minutes? Something like that, yeah. But not really on your own, because you have all the listeners. That's true, and all the songs. And all the songs. So you're going to be the maestro tonight. Whoa. I know, it's pretty impressive. Yes. So tonight we're going to do the part two. Part deux. La deuxième partie. part deux. Mm-hmm. Like, comme de part deux. Oui, Jean-Claude. Non, c'est non. Pas ça. Gérard. Jean-Claude, c'est Vandem. C'est le pain d'épices. Gérard Depardieu. Yeah. And I don't think we can, there's about still 3 hours of music, so I don't think we can finish tonight. No. But next week, we're going to have... A guest. We're going to have... Or more. We have, yeah, many guests. First, I was planning on playing Valentine's Day music, because it's going to be before mm-hmm. Valentine's Day. Yeah. And second, we're going to have Notre École, the guest. Yes. With this new French immersion school opening in Golden Valley. So in September. Yeah. So we're going to have the, I don't know her title. We're going to have... Well, she's the Michelle. Founder, yeah. And she will be the co-coordinator okay. of the school. Yeah. It's going to be like a two-headed school. Like a Hydra? Yes, exactly. On my contact, I put DaBoss, you know, D-A space B-O-S-S. So... I think that should do it, yes, right? Yes, that's I think that's what she wants people yeah. to call her. Okay, that's so, good to know. Yeah, and she wants us to call her that also on the show. Okay, the boss. Mm. Yeah, boss. Yeah, we'll do that. Sure. And the week after that is going to be Black History Month. Mm-hmm. So we're probably going to do something special for that. Yeah. And so maybe the week after. We'll do like the third party of the recap of, you know, 2010 to 2019. Well, we have until the end of 2020 to do it. So we have until we'll whenever fine. We want, because we do what we want, really. That's true. We are the boss. Yeah, we are the boss. Yeah. So what are we going to listen to first? Well, we're going to start with, should we do three songs? Mm-hmm. We're going to start with Indila. And, sounds good. Yeah, with Dernière Danse. The video is pretty great. You see her dancing in Paris, and it's by the Eiffel Tower, you know, 16th arrondissement, and it's pretty nice. And then we're going to listen to Indochine, which is a classic from from their album 13. I mean, yeah. The band is a classic, but this album is from 2014. 2014 already? Yeah. And I would have said like 2017. No. 2014, and wow. They may have another one No, out. But 13, I remember when it came out. It's already 6 years ago. Oh, like when you were young and... Yeah, and okay. Handsome. Well, let's say young. And it's going to be, the title of the song is Song for a Dream. So it's in the title is in English, but the song is in French. And then we're going to listen to Jules. Oh, J-U-L. Mm-hmm. J-U-L. Yeah, it's... I don't know if it's short for Julien, but I mean, I it's know. Spelled about the same. And there's another... Oh, Jules. One should not confuse them, but there is another Jules, spelled exactly the same way, who's a cartoonist. Okay. Well, not cartoonist. He makes, like, bande dessinée. Okay. So comics or graphic novels. Yeah, graphic novels. Like Silex in the City. I'm not familiar with it. Well, that's a, those are stories that take place in the prehistoric times. Okay. It's pretty funny because there is a lot of anachronisms. Okay. Where, microwaves and... Yes. and Kansas City in Kansas. Yes. Yeah. Exactly. Exactly. So I just wanted to say that because Jules, okay, there's two of those. And well, at first I thought it was the same person, but not at all. No, and we're going to listen to the singer, which is a good thing because yes, we don't know if the graphic designer... Well, you would just hear the pen... Yeah. A pencil on a sheet of paper. Yeah, even though in the past, I know when I was watching TV shows when I was a kid, you know, when we saw Gribouille with Casimir. Oh, yes. You could hear, mm-hmm, you could hear the marker on the board, like... You do it very well. Thank you. Yeah, you're a good Gribouille. I don't know. It could be also like a door, you know, like a... Yes. The door opening and closing. The song from Jules is Vivre mes rêves. Oh. So, Living My Dreams. All right. C'est parti, mon kiki. On y va. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. j'aimerais aimer mon père. J'aimerais savoir quoi faire, j'aimerais bien le comprendre, j'aimerais bien qu'il attend. J'aimerais être important, j'aimerais être un désir, j'aimerais être impossible. J'aimerais te voir guérir, j'aimerais te voir grandir, atténuer tes douleurs. Que ça parle dans mon dos. Oh, je veux vivre mes rêves au volant du Lambo. Tu veux m'atteindre, il en faut. Je mets la mienne, c'est mon tour. J'ai trop de poids sur mon dos. Tu m'aimes pas, pourtant j'ai tout pour. Eh ouais frérot, la retourne. Vas-y fais-moi un poteau. Je sens la noix de coco. Le vase déborde, tu la goutte. Tu veux faire confiance à son co. Je n'aime pas trop les poteaux. Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau? Je vais tailler de la mon poteau. Prends des billets pour Acapulco. Des filles comme toi, y en a beaucoup. J'aime beaucoup, mais t'as la boco. Tu es plus belle qu'en photo. Viens avec moi, enlève la moto. Tu vas pas te mettre la corde au cou. Je t'ai parlé mal, je regrette beaucoup. Je suis énervé, j'ai l'air trop doux. Me trahis pas un jour, on sait tout. Que ça parle dans mon dos. Oh, je veux vivre mes rêves au volant du Lambo. Tu veux m'atteindre, il en faut. Pacino, Escobar ou Don Vito. Tu me fais le voyou, je te connais pas, gros, t'es qui toi? Je te dis rien, tu m'énerves un poquito. Tu vas finir sous le Vito. Oh, princesse, je t'ai vu que mon bolide, je me suis senti obligé de mettre les feux détresse. Ton regard m'a tué, j'aimerais m'y habituer, mais je sais plus où me situer. Je vais arrêter de me prendre la tête, je vais les contaminer. Focus ceux qui sont un qui se croient invalidés. À deux doigts de perdre la raison, je compte la maison toute la journée. Ne venez pas me parler aujourd'hui, je suis chagriné. Que ça parle dans mon dos. Oh, je veux vivre mes rêves au volant du Lambo. Tu veux m'atteindre, il en faut. Ton coup c'est ta faute ça. T'as plus de sous, tu dois payer l'avocat. J'suis pas sûr mais faut que tu notes ça. Ah oui je défends toujours ma cause là. C'est du rosé pour ma dose. Pour du liquide ça sent rose. Fais pas le tonner dans ma fiosa. Soldat de la ville je crie osa. Que ça parle dans mon dos. Oh, j'veux vivre mes rêves au volant du Lambo. Tu veux m'atteindre il en faut. Que ça parle dans mon dos. Oh, je veux vivre mes rêves au volant du Lambo. Tu veux m'atteindre, il en faut. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, Diverse radio for Minnesota's communities. A lot of time and effort goes into your favorite programs here at KFAI, but there are also a lot of Fords, Hondas, and Toyotas that go into these programs too. To all of our listeners who donated their cars to KFAI this year, we say thank you. Your old car is already making a difference. Thanks so much for turning your old car into the programs you love. Et voilà, on est revenu. Oui, nous sommes de retour. We are back. So, can you remind us what we listened to? I don't know. I'm not sure. Okay. So, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio with Freddie and Romain. And so, the first song we listened to was Indila avec Dernière Danse, or Last Dance. After that, it was Indochine avec Song for a Dream, la chanson d'un rêve. Oui. Because we translate all the French song in English, why wouldn't we translate exactly. An English title into French? Exactly. And the last song we just listened to was Jules avec Vivre mes rêves. Living my dreams. Exactly. I think there was quite a bit of a woman involved in his dream. I think so. But yeah, each to his own. And yeah, so we still celebrating 2010 to 2019. And last week we play a selection of the albums. And basically, what I did is I went to a website called mychart.com and .fr maybe. Yeah. But I looked at all the albums that had been first, for any period of time in the decade. I mean, it was year by year. So, and then I did copy and paste, and I picked like one of each, yep. Pretty much, one song of each. At first, I picked three, thinking like, but no, there was way too much. Yeah, well, we would have to keep doing this until, what, like April, May? Oh, even maybe more. Yeah. But, so yeah, Jules is kind of a new rapper and, kind of the new generation when Indochine has been there forever. And 40 years, maybe 35 years. Yeah, something like that. I mean, it was like late 70s for their first success, I think. Their first one, wasn't it? L'Aventurier. Well, that was in the 80s, but probably early 80s. Yeah. I think they probably came out around the same time as Jean-Jacques Goldman and Marc Lavoine. I think Goldman was a little bit later. I think. Goldman started in the late 70s with Taifong. But his first. So I think Il Suffira d'un Signe was in 1981. Yeah. They were big at the same time, that's for sure. Yeah. And they still are. Yeah. Two, three years ago, they sold out, I think, the Stade de France. Wow. I had friends from my hometown who went to see them. And I think that same, within 2 months, Les Insus, which is a new name of Téléphone, they also sold out the Stade de France. It was a comeback from the mid-80s. Cool. All right. Well, we're going to keep on going until we have no more songs or until no more time. Until we are too tired and we have to go home. Well, I'm going to go home right now because I drugged myself before. So do I need to change the cover of the mic so I don't get sick? I would. Yeah. I would. I tried not to spit on it. I didn't lick it. Well, I do. That's your issue. I think I definitely would. Okay. So we're going to listen to another artist that is pretty new. I mean, it was his first album, too, with it's Kinvey. Kinvey. Kinvey, yeah. And the name of the song is Foutu Dépression. Oh. Down Depression. Yeah. And after that, we're going to listen to Kids United. So Kids United is a band of kids who, sung some covers pretty famous. Well, I think there is an equivalent here in the U.S., Kids Bop. Oh, yeah? Yeah, it's pretty similar. And Kids United, they're actually currently in the third generation. Okay. Because once they get all too old, they pick new kids. And they go to sitcoms. Yes, and some of them actually were contestants or candidates, and like The Voice kids, and some of those nice shows with children. And one of the original ones, Erza, she's now solo artist. She's mm-hmm. probably like, I don't know, like 17, 18. And I think she did the Olympia a few weeks ago. Nice. So, 17, the Olympia is pretty cool. Yeah. I didn't do the Olympia until I was 21. Yeah, but you had to pay to get in. Oh, true. She's probably paid to get in. The song is going to be On écrit sur les murs. We write on the walls. Yes, and that's a cover from Demis Roussos. Is it? Yes. Hmm. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves. And they are not doing graffitis or anything like that. So they write on the walls, but yes. it's a figure of speech. Yeah, that's a Demis Roussos song. Nice. And I have one CD of the Afroly Child, but. Yeah. There's not Rain and Tears on that album. And then the other song is going to be from Lacrim. And it's kind of short for Lacriminel, like police criminal. And it's with... Yeah, Lacrim, that's the section of the French police. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And Lacrim is the artist, but it's featuring also Maître Gims. And the name of the song is Ce soir, on ne sort pas. Non. Ce soir, ne sort pas. Tonight, don't go out. And, it's too cold. Yeah. So, Maître Gims has been, I think, one of the four artists of the last decade. Mm-hmm. And all the songs that come out become number one. Yeah, they are big success. Yes. He was with a band called Section d'Assaut before, rap band. And now as a solo artist, he's really successful. So and his brother... He's also, I can't remember his name, but he's very successful in, where is he from? Is it DRC? Is it the Congo? Sure. I'm not sure. And his brother, actually, I think that's where he's from. And, my wife has students from DRC and they love Maître Gims. Well, actually, now it's Gims. It's not Maître Gims anymore. Yeah. And his brother is also very popular. Okay. I can't remember his name. I'll look it up. Yeah, we'll do that. All right, on y va avec Kinvi. C'est parti. Allongé, je cherche le sommeil. Tiennent en éveil, mes rêves se sont écroulés, mes idées noires s'entremêlent, mon moral ne cesse de couler, je me sens comme un oiseau sans aile, qui traîne la vie comme un boulet. Sors de ma tête, foutue dépression. Allez, allez, sors de ma tête, foutue dépression. Allez, allez, sors de ma tête. Up.

bisous au physio, j'sais déjà où j'vais m'zépau. Chaud sur Moschino, plus de trois gars du Congo. C'est blindé à l'entrée, ça n'a pas l'air d'avancer. J'fais semblant d'être profane, j'évite les mecs qui fait moi rentrer. Ce soir c'est sûr, y'a les plus belles de Paname. Personne à ta table, t'es même pas michetonnable. Ce soir ne sort pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Ce soir ne sort pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Fais les pleins dans le carré, tu ne me reverras jamais. Tout le monde est refait, je suis entouré. Gangster défoncé, je gère. Elle essaie me faire, je suis blindé, je laisse faire. 2 millions d'euros dépensés dans la nuit. Plus 10 bouteilles de demain, tu tapis. Trace de fontaine laissée sur mes habits. On n'a peur de personne, on ne parle quand on s'aime. Ce soir c'est sûr, y'a les plus belles de Paname. Personne à ta table, t'es même pas michetonnable. Ce soir ne sort pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Ce soir ne sort pas. De Paname, personne à ta table, t'es même pas michetonnable. Voilà, we are back with the three songs that we just listened to. The last one was Ce soir, ne sors pas, Tonight, don't go out, by Lacrime featuring Maître Gims. Or actually now he wants to be called Gims without Maître. Before that, we heard On écrit sur les murs, by Kids United, We Write on the Walls. And before that, Kinvé with Foutu Dépression or Darn Depression. We're going to listen to some more songs. Fred just left. He had a cold. So we're thinking of him and we're going to play a few more songs. Actually, we're going to play a song, then we're going to listen to an announcement, and then two more songs. The first song we're going to listen to in the next series of three is J'ai vu la lumière by Marc Lavoine. I saw the light. That was from his 2012 album Je descends du singe. Then 1000 degrees Celsius by Lompal featuring Romeo Elvis. And then Lorenzo with Bizarre featuring Vald. So first, J'ai vu la lumière by Marc Lavoine. Si l'amour est mal coiffé, l'amour non identifié, l'amour est un clandestin. Si l'amour est voyageur, l'amour pousse à l'intérieur et l'amour a toujours faim. L'amour est mystérieux, l'amour c'est un malheureux, mais l'amour est un héros. L'amour est insaisissable, même si l'amour est cassable, l'amour a ça dans la peau. J'ai vu la lumière en passant par là. Elle était si belle qu'elle m'a conduit chez toi. L'amour est couché par terre, l'amour c'est un appel d'air. L'amour est un évadé. L'amour un jour fiche le camp, un jour l'amour te reprend. L'amour c'est un habitué. Que l'amour est volatile, l'amour fait son difficile. L'amour est un bon parleur. L'amour nous fait ses aveux, mais l'amour fait ce qu'il veut, comme il brisera ton cœur. J'ai vu la lumière en passant par là. Elle était si belle qu'elle m'a conduit chez toi. J'ai vu la lumière en passant par là. Elle était si belle qu'elle s'est jetée sur moi. C'est comme un point de non-retour. On peut s'y perdre pour toujours. L'amour peut devenir fou, l'amour s'accroche à ton cou. L'amour a le diable au corps. Car l'amour est dangereux, l'amour c'est un dangereux qui n'a pas peur de la mort. L'amour n'est pas invincible, mais quand il te prend pour cible, l'amour est plus fort que toi. L'amour couche avec la vie, l'amour défait tous les lits, il aura raison de moi. J'ai vu la lumière en passant par là. Elle était si belle qu'elle m'a conduit chez toi. J'ai vu la lumière en passant par là. Elle était si belle qu'elle s'est jetée sur moi. Programming is supported by Aesop's Table. Family owned and operated since 1986, Aesop's Table provides deli, barbecue, box lunch, and home-style cooked catering options for gatherings of any size. A full menu of booking information is available at aesopstable.com. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom. Je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau. Mais faut pas m'en vouloir, c'est pas méchant. C'est juste que souvent j'en ai rien à foutre, pas de doute. J'éjacule du style et j'en ai foutu partout. C'est la fête tous les soirs dans la capitale. Et conscience décapitée, on verra les dégâts plus tard. Aïe. Mon appart c'est le QG quand on traîne. Y'a toujours un frère qui parle à maman. Nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine comme le Parlement. Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir. J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt. soirée et personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Lâcher les freins et fermer les yeux. Pas de calme, pas de calme, calme, calme. Hey, hey, hey, hey, pas de calme, pas de calme, calme. On est serré dans une caisse, 320 et vient sur Bruxelles Paris toute l'année. Le monde est fou allié, ils pensaient déjà les laisser travailler les douaniers. Mais je connais trop la chanson comme Despacito. Te lève pas si tôt, l'avenir c'est pour moi. Ma vie c'est trop noir, s'il y a pas la musique. Et vu que je bosse pas à l'usine, des fois c'est le foutoir. Même quand je suis pas là, je touche l'argent comme un député européen. Et j'en menais pas large avant que l'euro du commun ne m'ait repéré. Mais qu'est-ce qui se passe après le quart de siècle? Toujours un max de ça, toujours un bal de sexe. Mille degrés dans la soirée et personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Lâcher les freins et fermer les yeux. Pas de calme, pas de calme, calme, calme. Hey, hey, hey, hey, pas de calme, pas de calme, calme. Pas de calme, pas de calme, calme, calme. Hey, hey, hey. Pas de calme, pas de calme, calme. Vous, du coup, vraiment, c'est le troll rap, ouais. Une nouvelle génération qui émerge du net. C'est ça. Loin des clichés de la banlieue. Exactement. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est faire du rap conscient, ma man. Avec VALD, on fait le truc en coop. T'as tiré de ta fête, t'es déjà capote. Je suis le coq de la ferme qui attire toutes les cocottes. Demande pas si ça va, demande-moi si ça roule. Tu taxes en français, l'Eric, elle me trouve cute. Je fais germer des graines pour la cannabis cup. J'aime bien l'odeur, dis-moi combien ça coûte. Avec vos soeurs, ça c'est sûr, j'ai la cote. Whisky, coca, sans coca. Parle bien ou je vais te poquer. Deux meufs par jour, ouais, c'est le quota. Le respect, c'est pas la porte à côté. L'air du calumet me donne des visions. Je me tire dans les toits, j'ai bientôt mon visa. Y'a que des pauvres qui pas la télévision. Je veux que mon portrait au plat dessus de Mona Lisa. Dans mon gobelet, verse la liche. Pas de mac, on fera de la lèche. Trop peu potentiel de biche. Touche le fond et je creuse la brèche. Je lance des tomates sur les véganes. Je veux mini bar dans la wagon. Y'a que j'ai un stack, j'ai deux pédales. Fume tes doigts, y'aura pas de P2. Verse la liche. Oh là là, dans mon gobelet, verse la liche. Elle dit non. Oh là là, j'ai trop bu, elle me dit non. Elle me trouve satanique et trop mignon. Ça couche dès le premier soir, elle va dire non. Pourquoi tout le monde regarde bizarre? Je sors que pour faire des bêtises. Je mange des pinettes derrière le grillage. Ça fait bizarre, c'est trop bizarre. Je roule un pollen de bulle bizarre. J'ouvre aux synthèses dans ma tisane. Les deux frérot, les deux. Va de Lorenzo, c'est trop bizarre. Bien trop bizarre. Dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Suspect TN, mange tes BN, violent comme des BZ. Faire comme des Z, pop la Marie, même la Madeleine, pas la LNE. Pas la LN, tu fous la haine comme bande FM. Ouh, ouh, ou le FNK, bah deux chaînes sur le BZN. Je propage le virus et je vends le vaccin, je suis machiavélique. Je regarde des vidéos de complotistes, je regarde pas le satellite. Dans nos cœurs, la beauté du créateur et la leader d'Amérique. Même quand je suis mort, je suis prêt à tout baiser, raideur cadavérique. Je suis préparé pour la balade, okay. Dans la gourde, une potion garage, okay. Flic off action dans les barrages, okay. Verre retinté, j'ai la parade, okay. Tout sous cachot sans être malade, okay. 9 mètres carrés devient palace, okay. Sans plus mes coups, sans plus ma face, okay. Ferme ta chatte là, tu m'agaces. Une mongole bizarre, oh non, je suis tricard. Je plais à mamacita parce que je suis bizarre. Bizarre d'être bizarre aux yeux de ces trimards. Sont-ils traumatisés? Pourquoi tout le monde regarde bizarre? Je sors que pour faire des bêtises. Ouais, je mange des pinottes derrière le grillage. Ça fait bizarre, ouais, trop bizarre. Je roule un pollen de bulle bizarre. J'ouvre aux synthèses dans ma tise. Les deux frérot, les deux. Pas de Lorenzo, c'est trop bizarre. Bien trop bizarre. Dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Et voilà. Je suis de retour. We are back with three songs that we just listened to. Excuse me. I hope Freddy did not give me his cold. So the first one we listened to was J'ai vu la lumière by Marc Lavoine from his Je descends du singe album 2012, followed by 1000 degrees, 1000 degrés Celsius, de L'Homme Pâle, and featuring Romeo Elvis, who's actually Angèle's brother. So the parents have two pretty talented kids. And then we listen to Bizarre by Lorenzo, featuring Vald. So we're going to listen to one more song before nine, and then two more. So the song we're going to listen to next is a song by Luan, who's also one of the big breakout artists, des révélations of 20 of the decade between 2010 and or 20 yeah 2010 and 2019. Luan also earned a French Oscar, César, which is the equivalent of the Oscars, for her part in La Famille Bélier, I think it was like in 2015, 2016. So we're going to listen to Avenir by Luan. Foncé. seule dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing. Email us at bonjourminnesota@gmail.com or live on Facebook Messenger. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. It is 9:02. You're still listening to Bonjour Minnesota. We just listened to Luan from her album that was released in, when was it released? It was released in 2015. That was Chambre 12 or Room 12. And now we're going to listen to two more songs, and then we'll be back with L'Alchimiste by M. It's a 2019 album from Lettre Infinie. It's a very good album. And then we're going to listen to M. Pokora with Mieux Que Nous, Better Than Us, featuring Soprano, and it dates back to 2016. So let's go with L'Alchimiste and M. Je veux être une étoile, pas un feu d'artifice. Je ne veux pas de voile, pas de sac à malice. Non, je suis pas l'être suprême, je ne suis que moi-même. C'est du pareil au même, et c'est pour ça qu'on m'aime. Je suis blond et je suis l'or, c'est cela qu'on voit, qu'on adore. Oui, je suis blond et je suis l'or, un alchimiste, je m'en foutiste. Marrant et magnifique, je veux qu'on reconnaisse un phénomène unique. Une divine ivresse, ma bouille de tutu, ma crête cacato ice. Ce ne sont pas des copies, c'est ça qui m'intéresse. Oui, je suis blond et je suis l'or, c'est là qu'on voit, qu'on adore. Oui, je suis blond et je suis blanc, un alchimiste, je m'en foutiste. dégainer ma voix, dont j'appuie les défauts. Sans pour vous, quelle joie d'adorable joyau. Je veux être moi-même, même si j'ai rien pour moi. C'est ça que je veux quand même, c'est ça que je veux qu'il soit. Cela qu'on voit, qu'on adore. Oui, je suis blond et je suis fleur. Un alchimiste, je m'en foutiste, mais ton alchimiste. Mes pas entre sa valse et son tango. On est passé du printemps aux intempéries. J'ai essayé de comprendre, on m'a dit c'est la vie. Du mal à l'accepter, donc je passe toutes mes nuits à jouer au puzzle avec les photos de famille. Yeah, j'ai le sourire en détention. Il n'y a que leur réconciliation pour payer la caution. Leur problème d'adulte, je te jure, est une sale infection. Une épidémie que connaît ma cour de récréation. Non, ne me demande pas de choisir, je les aime d'un amour indivisible. Qu'ils se fassent la guerre ou pas, je sais que ces deux soldats ont mon bonheur pour cible. Mais papa, si tu savais comme je manque de souffle, alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Oh. Maman, si tu savais de son manque je souffre. Les grands du monde, si vous pouviez m'aider. Petit m'aider. À petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Maman te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Oh, oh, petit à petit. Papa fait son lit. Maman est partie se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Papa te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Oh, oh, tu feras mieux que nous. Et voilà, we are back. And we just listened to two songs. We listened to L'Alchimiste by M. And that was from his 2019 album, Lettre Infinie. Followed by Mieux Que Nous by M. Pokora, featuring Soprano. And Soprano has also been one of the big artists in France in the last decade. M. Pokora as well, but M. Pokora actually started before 2010. Two events that I would like to talk about. Actually, one will be more like a non-event. Then that's two events and a non-event. Unfortunately, I just found out that the Soirée Crêpe and Karaoke at the Alliance Française next Friday on the 7th has just been cancelled. I don't know why, but it has been cancelled. So that's too bad. I had prepared, I had rehearsed all the my favorite French standards, but well, that won't happen, unfortunately. Hopefully, the Alliance Française will do another karaoke night sometime in the near future. It's always a lot of fun. The second event that I wanted to talk about at the Alliance Française, it's 2 weeks away, but still, you can register online, you can purchase your tickets. That's for Valentine's Day. It's going to be a few days later. It will be on February 18th. There's the wine club at the Alliance Française, and it's about Valentine's Day with chocolate, Saint-Valentin au chocolat. And one of the things that evening will be to pair French wines with chocolates. So that sounds yummy. And again, it is February 18th at the Alliance Française at 227 North Colfax Avenue in Minneapolis. And it will be held from 6 to 8. And last event that I wanted to mention, it is this coming Thursday on the 6th at Honey. And Honey is on East Hennepin Avenue, 205 East Hennepin Avenue. It will be from 7:30 to 9 p.m. European, it's called, well, I was describing it, but it's International Cabaret Night at Honey with Mark Stillman and Francine Roche, our very own Francine Roche. It sounds like a lot of fun. European dance music, Latin swing and music from around the world. And again, it is at the Honey Lounge downstairs from the Ginger Hop, formerly known as The Times, and it is on Thursday the 6th at 7:30 at Honey. So if you're available, you should go. It's going to be a lot of fun. So it is almost 9:15. We're going to listen to a few more songs, actually three to be specific, pour être précis, with L'Attrape Rêve, like The Dreamcatcher, by Christophe Maé, that was in 2016, followed by a song that was a big hit in France in 2018, La Même, by, again, Maître Gims, featuring Vianney. And then we're going to listen to Mika from his 2012 album, The Origin of Love. And the song is Elle me dit, She tells me. So let's start with L'Attrape-Rêve by Christophe Maé. C'est parti. Oh. la trappe rêve, tu le sais bien, ouais. Comme l'on vit en rêve et comme l'on rêve on devient. Toi qui veilles sur nos nids, je te dis merci, petit morceau de lune. Oui, toi qui gardes bien en vie tous nos secrets, nos rêves t'en fais plus. Toi qui veilles sur mes nids, protège bien mes têtes blondes, protège un peu les brunes aussi, on le sait bien, il y aura de la place pour tout le monde. Les mauvais rêves que tu emprisonnes ne feront plus de mal à personne. Balance-toi, oui, balance-toi au-dessus de nos nuits. Des grands comme des tout petits bonhommes. Toi qui traques les rêves, oui, toi qui le sais bien. Vas-y, fais danser les plaintes lointaines. Oui, toi qui, des nuits de l'enfant, nous fais toujours le petit jour sans haine. Toi qui veilles sur les vies des autres et de tout ce qu'on aime. Tu n'oublies pas, oui, pense aussi à tous ces braves gens, jamais à la traîne. Les mauvais rêves que tu emprisonnes ne feront plus de mal à personne. Balance-toi, oui, balance-toi au-dessus de nos nuits. Des grands comme des tout petits bonhommes. Toi qui traques les rêves, oui, toi qui le sais bien. Comme l'on vit en rêve, comme l'on rêve, on devient. Toi qui traques les rêves, oui, toi qui le sais bien. Qui danse sous la pluie, à mon indienne qui aimait trop la vie. Cadence-les, oui, balance-les, les beaux rêves cachés de ceux qui n'ont pas osé. Rêve de l'indien qui danse sous la pluie, à mon indienne qui aimait trop la vie. Cadence-les, oui, balance-les, les beaux rêves cachés de ceux qui n'ont pas osé. Toi qui traques les rêves, oui, toi qui le sais bien. La vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je...

Programming is supported by Aesop's Table. Family owned and operated since 1986, Aesop's Table provides deli, barbecue, boxed lunch, and home-style cooked catering options for gatherings of any size. A full menu of booking information is available at aesopstable.com. Et voilà, we are back. After three songs and an announcement, we listen to La Même, which was by Maître Gims, or sorry, Gims, the same one featuring Vianney. Before that, we listened to Christophe May with L'Attrape-Rêve, The Dreamcatcher. And the last song we listened to was Elle Me Dit by Mika. Also, I forget to mention earlier, I mean, it's still over a month away, but if you would like to mark your calendars, on our show on March 10th, we'll be privileged to have two guests from the French American Heritage Foundation, Marc Labine, and our very own Pierre Girard, who will discuss their new publication, Where Waters Meet. So it will be on March 10th. In the meantime, we're going to listen to a few more songs from the last decade. We're going to start with a song that's not from the last decade, but it's a version that came out during the last decade. I'm sorry to repeat myself. And it is a song by Eddie Mitchell, one of his classics, Le Cimetière des Éléphants, The Elephant Cemetery, followed by Moha Le Squal with a song called Luna. And then we're going to listen to Nino, featuring Sofiane with Laisse pas traîner ton fils, Don't let your son wander around. So let's start with Le Cimetière des Éléphants by Eddie Mitchell. Pas perdu ce que tu m'aimes, un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème, gadget évident. Et toi maintenant, tu veux plus en jouer. We'll be right back.

mes frères m'ont déçu. J'en fais collection. Frère, j'asse plus les murs depuis que je suis collé dessus. Meuf, crois ça tire, le rail, j'attaque à dire. Bois toute la pole, il fume la moitié d'Agadir. C'est le Hermanos, on sort des mitards. C'est Desperados, on sort les guitares. Tu vas te faire monter, tu te sais pas tourner. Va te refaire monter, Seigneur, quelle bonté. Chaque bouche barrage, pas qu'il en gestion. Je me pose des questions, qui se pose des questions. Passant dans ma zone, ravitaille du hall. Nadine Mamoula, ça détaille du stroke. Dans le tournoi, j'ai inscrit le clock. Reprends tout, réinvesti le bloc. Forcément dans ta porte si je croque. Personne m'a fait manger quand j'avais la lenda. Des kilos d'amnésia. On perd la boumeda. Pour un sérieux boulot. Mon gif sort du rouleau. Personne ne sait pas. Là je vais faire un dégât. Laisse pas traîner ton fils avec nous. Il finira par bosser. Même l'avocat est choqué à l'ouverture du dossier. Une sortie pour ta pite. Cocaïna c'est l'avalanche, 0,8 grammes sur la balance. La puce est pleine de bolos. Et mon pétard s'en fout que tu sois balèze. L'équipe est au KF, la peufra vient du riff. Far j'ai non que des appels de ref. Il suffit d'un tireur et d'un conducteur pour que cette fois si ça soit ton tour. J'suis dans le port Panamera Mera. Casé trop rempli pour taffer à la mairie. Laisse pas traîner ton fils dans nos rues. Il perdra du temps et du sang. Ça touche à plus la morue. Mais elle veut manger sur les champs. La moula, la patate, la rebu. La haine nous a rendu méchants. Personne m'a fait manger quand j'avais la lenda. Des kilos d'amnésia. Pour perdre la boumeda. Pour un sérieux boulot. Pour j'y sors du rouleau. Personne ne sait pas. Là je vais faire un dégât. Laisse pas traîner ton fils avec nous. Il finira par bosser. Même l'avocat est choqué à l'ouverture du dossier. Sorti pour ta pitre, une trois à Cabreda. Frère reconnaît vrai, mais je les reconnais pas. 10 kilos de somme cramé comme la cime. Les deux pieds dans le ciment, c'est la haine qu'on sème pour récolter les sommes. Et mon regard en dit long. Elle veut monter dans le F430. Mouillé jusqu'au cou, les habits sont trempés. C'est la voyoucratie que je fréquente. Et le gamos revient d'Alicante. J'ai tiré dans les fous, j'ai vécu dans le gros sale, j'ai rappé dans les dents. Enlève le coup par coup, ça tire en diagonale, une rafale dans les dents. J'ai cramé les barrages, transpiré dans le jet, j'ai craché sur les signaux. J'ai cerné les barrages, des cloches pour épervier, j'ai connecté l'union. Personne m'a fait manger quand j'avais la loda. Des kilos d'amnésia pour perdre la boumeda. Pour un sérieux boulot, pour j'y sors du rouleau. Personne ne sait pas. Là je vais faire un dégât. Laisse pas traîner ton fils avec nous. Il finira par bosser. Même l'avocat est choqué à l'ouverture du dossier. Une sortie pour ta pitre. Une trois à Cabreda. Frère reconnaît vrai. Mais je les reconnais pas. And we are back with three more songs from the last decade. And we started with Le Cimetière des Éléphants, which again was not from the last decade, but that version was by Eddie Mitchell. followed by Luna by Moa Le Squal and Laisse pas traîner ton fils by Nino featuring Sofiane, who's also one of the new artists from the last decade. We are going to listen to a few more songs. Again, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and online on KFAI.org. And we are here to listen to some of the songs from the last decade. And the next one will be a song by Nolwenn with Du Pareil au Même. It's all the same, basically. Then Florent Pagny with Avec un peu d'avance, a little bit early. And then Vanessa Paradis with C'est quoi? What is it? And we're going to start with Du Pareil au Même by Nolwenn. On cherche notre âme sœur, notre autre goutte d'eau, celle qui n'aurait pas peur de nous ressembler trop, ni du cœur, ni des mots. On cherche l'harmonie avec l'alter. Sorti, qu'on se sent dans sa peau, comme blotti dans la nôtre. Pas de différence, que des ressemblances. On est bien. J'arriverai peut-être un peu par hasard, peut-être même sans un mot. J'arriverai, tu sais, même si c'est l'air un peu con. J'arriverai de toute façon. J'arriverai, et qu'importe le chemin, quelle que soit la destination. J'arriverai, tu sais, j'en suis sûr et certain, j'arriverai comme toujours, comme vient la fin. J'arriverai comme toujours, comme vient la fin. Avec un un peu plus vide, un peu plus là. J'arriverai, tu sais, comme si rien n'avait bougé. J'arriverai comme toujours, ce n'est qu'à quelques pas. J'arriverai comme toujours, ce n'est qu'à quelques pas. Avec un choix.